Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi 13 avril 2021, il est 14h02, nous sommes un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, nous allons quand même faire cette petite émission jusqu'à 15h. Nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe. Il est très simple, comme chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi où je reçois un ou une invitée, je reçois aujourd'hui par téléphone un invité pour qu'il puisse nous parler de ce qu'il fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, c'est Mathieu du groupe Cheap House qui est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ah, nickel, parfait. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués avant d'entrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous vous présenter, vous, en quelques mots ? Alors, donc, je suis Mathieu Drago, je suis batteur et graphiste du groupe Cheap House. Et Cheap House, c'est un groupe de techno-instrumental qui a été créé au sein du collectif de jazz alternatif strasbourgeois qui s'appelle Omesis. Voilà, en quelques mots. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, pouvez-vous présenter le groupe Cheap House ? Alors, comme je viens de dire, Cheap House, c'est un groupe de techno-instrumental. Donc, on est quatre, donc un saxophone, des claviers, basse et une batterie. Et en fait, l'idée, c'est de faire de la techno, de la house, de la musique inspirée de la musique électronique, de la house et de la techno de Détroit, mais de le faire sans machine, sans ordinateur. Et l'idée, c'est de connecter notre background de jazz et d'improvisateur avec la musique de Détroit, la techno, la house, la musique électronique. Voilà, on essaie de faire ce pont-là. D'accord, très bien. Donc déjà, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier du coup et à saluer Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Géraldine justement qui nous a mis en contact. Donc voilà, je tenais à la remercier pour cette opportunité et puis pour votre contact. Voilà, donc nous allons pouvoir reprendre comme annoncé en introduction, et comme vous venez de le dire, vous faites partie du groupe Cheap House, donc vous êtes un quatuor. Pardon, j'ai pas entendu la question. Je disais que du coup, nous allons pouvoir reprendre cette émission. Donc, comme annoncé en introduction, et comme vous venez de le dire, vous faites partie du groupe Cheap House, et donc vous êtes un quatuor, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, on est quatre, ouais. Ok. Par contre, excuse-moi, je crois que vous avez un double appel, non ? Parce que non, j'entends aussi un bip, mais j'ai pas de double appel, non. Ah, c'est bien, peut-être de chez nous, bah, j'encadrerai ça pendant la première pause musicale, du coup. Donc, depuis quand le quatuor Cheap House existe-t-il ? Alors ça fait 2 ans et demi, mais on a passé la moitié du groupe en Covid, du coup voilà, ça fait à peu près 2 ans et demi. D'accord. Dont un an sans public, quoi. Ouais, j'imagine que c'est pas évident pour vous de pouvoir vous faire de la visibilité avec ce qu'on connaît actuellement, quoi. Bon, on essaie de travailler sur d'autres aspects du développement du projet, qu'ils soient artistiques ou professionnels. C'est une période particulière, mais on essaie de. Il y a des choses à faire. J'imagine bien, oui. Donc du coup, j'avais prévu de lancer la pause musicale un petit peu plus tard, mais je vais la lancer tout de suite pour essayer de régler ce problème de bip, parce que c'est pas très agréable, je pense, pour nos auditeurs. Donc je vais lancer un premier extrait de votre EP, donc Cheap House, dont on parlera juste après, l'album, enfin le titre Rashquit, ou Rashquit, je sais pas comment le prononcer, donc du quatuor Cheap House. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute ce titre de 7 minutes, qui dure 7 minutes ? Bien sûr, bien sûr. Alors, on écoute Rashquit de Cheap House et on se retrouve juste après. Très bien. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Normalement j'ai réglé le problème du petit bip, on ne devrait plus l'entendre, ça sera mieux pour tout le monde. Donc vous venez d'écouter Cheap House avec leur morceau Rashkit, tiré de leur tout premier EP, sorti le 9 avril dernier. Donc vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Mathieu, du quatuor Cheap House, justement, qui est là pour nous parler de ce premier EP dont nous allons parler juste après. Ça va toujours ? Ouais, très bien. Nickel. Donc du coup, votre EP, donc c'est un EP éponyme, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Il est sorti il y a 4 jours à peine, le 9 avril dernier. C'est ça. Voilà. Donc en préparant cette émission, j'ai eu la chance d'écouter votre EP. Il contient 4 titres, il me semble. Oui, tout à fait. Donc nous en écouterons encore 2 un peu plus tard dans cette émission. Donc du coup, si nous l'avons entendu avec ce morceau, donc Rashkit, c'est quand même assez électro. Donc si vous deviez décrire votre univers musical, ça serait vraiment, comme vous l'avez dit en introduction, électronique. Bah, notre univers musical, il se situe entre notre passé de jazzman et d'improvisateur. Et on essaie de reconnecter ça avec... la scène techno, Détroit, la scène de la house et la musique électronique. On peut pas mettre une étiquette en disant c'est de la musique électronique ou c'est de la musique improvisée. C'est quelque part entre les deux. D'accord, très bien. Oui, donc c'est aussi une volonté de votre part d'être entre les deux. Vous vouliez pas vous arrêter à un seul style. Bah, c'est directement lié à la création du projet. En fait, c'est un groupe qui est né au sein du collectif et label de jazz alternatif strasbourgeois qui s'appelle Omesis, et dans ce collectif-là, on aime aborder des styles comme là, ça a été la techno, mais il y a des groupes qui ont abordé le punk, d'autres qui ont abordé la musique plus expérimentale, ambiance, la musique africaine, et on essaie d'aborder tous ces musiques-là, tous ces styles-là, tous ces répertoires via le prisme de l'improvisation, via le prisme du jazz actuel. Et donc c'est directement lié à l'histoire du projet et dans ce dans quoi on essaie de s'inscrire, c'est-à-dire le jazz d'aujourd'hui et la musique que défend le projet Omesis. D'accord, ok. Donc Cheap House, nous l'avons dit, c'est un quatuor. Donc les 4 membres, vous êtes des amis d'enfance, vous êtes, je sais pas, des frères peut-être. On est des musiciens qui se sont rencontrés dans cette scène strasbourgeoise. D'accord. Et dans le label, dans le collectif Omesis, on avait l'habitude de on s'est rencontrés dans des jams, on s'est rencontrés dans le conservatoire, on s'est rencontrés un peu partout, mais on peut dire qu'on est des frères aujourd'hui. Ok, oui, donc des frères, d'accord, je vois. Donc en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai lu d'ailleurs que Cheap House construit son univers musical en live autour d'une techno instrumentale DIY pour une efficacité scénique redoutable. Pour les personnes qui ne parlent pas forcément anglais, DIY ou en français DIY est l'acronyme pour Do It Yourself, que l'on pourrait traduire en français par faites-le vous-même. Donc pouvez-vous nous en dire davantage sur cette techno instrumentale DIY ? Pourquoi DIY ? Bah, en fait parce que la techno, par essence, c'est une musique qui est instrumentale, qui est électronique. Du coup, l'aborder via le prisme de musiciens qui jouent des instruments qui, par essence, n'est pas dans cette musique-là, on a dû retravailler complètement chacun notre instrument. Par exemple, moi, en tant que batteur, j'ai dû complètement repenser ma batterie. Je joue pas du tout une batterie qui est traditionnelle. Je pense aussi au saxophone, qui est pas un sax qui est joué de manière traditionnelle. Il y a beaucoup d'effets. On est sans cesse en train de chercher à travailler le son, à modifier nos instruments. Et c'est un travail c'est un chemin qui n'est pas encore tracé. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer ensemble. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est fait maison et c'est une recherche permanente en fait. D'accord, donc d'où l'acronyme DIY du coup. C'est ça, ouais. Ok. Donc nous le disions également un peu plus tôt, cet EP contient 4 titres. Donc est-ce qu'on peut citer ces titres? Oui. Oui, bien sûr. Il y a Tunnel, Éol, Mélanine et Rescuit. Ok, donc Mélanine et Tunnel, ce sera les deux autres, je spoil un petit peu, ce sera les deux autres morceaux que nous écouterons un petit peu plus tard. Donc ensuite, quelles sont les inspirations de Cheap House pour ces morceaux? Alors on s'inspire de. Évidemment de la scène de beaucoup de choses. Hein. C'est, on s'inspire énormément de la scène du jazz anglais. D'accord. Comme It Is Coming, Sons of Kemet, enfin, toute la nouvelle scène du jazz anglais. On s'inspire énormément de la scène d'électro française qui a pu avoir. Et on s'inspire aussi des pionniers de la techno, de la house de Détroit. Donc voilà, les inspirations, elles sont immenses, elles sont variées. Et elles essayent d'être, elles essayent de connecter un peu toutes nos influences, c'est une palette. Et on essaye de connecter différents mondes, en fait. Donc les inspirations, elles viennent de ces différents mondes-là. D'accord, et donc différents mondes, donc également différents styles musicaux aussi. Oui, complètement, hein, complètement. Ok. Donc pour vos morceaux, vous utilisez donc de véritables instruments comme la batterie, la basse, le saxophone, entre autres, et même il y a un synthétiseur, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, mais est-ce que vous utilisez également de la MAO? Et pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne savent pas ce qu'est la MAO, c'est l'acronyme pour musique assistée par ordinateur. Ou est-ce que vous n'utilisez que des instruments, on va dire, physiques, entre guillemets? C'est que des instruments physiques. C'est que des instruments physiques, mais complètement au travers, c'est ce que je disais avant. Le saxophone, c'est pas un saxophone traditionnel qui sonne acoustique. Il repasse dans beaucoup de pédales d'effet. La basse, c'est exactement pareil. La batterie, par contre, c'est une batterie acoustique, mais auquel on s'est vraiment penché énormément sur le travail du son pour que ça colle à une batterie qui pourrait sonner comme une batterie électronique, mais fait avec des moyens physiques et non électriques. Voilà. Mais c'est quand même quatre instruments non électronique. D'accord, oui, c'est tout du physique du coup. Tout du physique. Ok. Donc il est 14h20. Avant de poursuivre une nouvelle fois, je vous propose de nous lancer dans une deuxième fréquence. C'est comme ça que j'aime bien appeler les pauses musicales dans mon émission, dans un deuxième extrait de votre EP justement, et que nous écoutions le morceau numéro 2 de votre EP, morceau intitulé Mélanine. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute Mélanine? Ça me va très bien. Ok, alors on écoute ça et on se retrouve juste après, d'ici un petit peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h24 et vous venez d'écouter Cheap House avec leur morceau Mélanine. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Mathieu du groupe Cheap House, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, du premier EP de Cheap House sorti il y a quelques jours, le 9 avril dernier. Donc, est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Mathieu ? Un très bon moment. Parfait. Donc, pour faire vos morceaux, vos différents morceaux musicaux, comment vous avez trouvé les titres pour les morceaux ? Les titres, ils viennent, ça dépend, il n'y a pas de règle, mais parfois ils viennent avant les morceaux et puis ils inspirent directement la musique qu'on va jouer. Parfois c'est la musique qui va influencer la recherche d'un nom. On n'a pas de règle, c'est en fonction du moment. En fait. D'accord, ok. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion d'écouter donc du coup votre EP. Et quelque part dans votre EP, on ressent quand même une certaine atmosphère plutôt punk, si je peux dire. Donc, quand vous avez créé avec vos trois amis le groupe Cheap House, aviez-vous pour objectif de faire de la musique punk en rajoutant des instruments qui ne sont pas forcément à la base de la musique punk ? Alors, le punk, c'est une musique qui nous intéresse. Je pense notamment au bassiste Théo qui a beaucoup écouté de rock et de punk. Quand on a monté ce projet-là, c'était pas du tout dans l'idée de faire du punk. Après, l'énergie de la techno, l'énergie du jazz ou du free jazz qui sont nos inspirations aussi, et du punk, c'est des choses qui sont très liées. Donc, les ponts sont assez logiques, oui. Mais quand on a monté ce projet-là, c'était pas pour faire du punk, c'était vraiment pour aller expérimenter la techno et la musique électronique. D'accord. Car j'avais vu justement une vidéo que vous avez fait dans un, on va pas citer de marque, mais dans un célèbre garage, il me semble, que vous avez fait une version live en fait de vos titres. Et ouais. Que dedans, il y a du coup dans les instruments que vous jouez, il y a de la basse, de la batterie, un synthé du coup et un saxophone également. Oui, c'est ça. Et alors que pour revenir un petit peu au style punk, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément, c'est plutôt de la basse, de la batterie et de la guitare. La guitare électrique au son saturé. Donc voilà, c'est. Oui, donc le punk, c'était pas du tout à la base votre objectif. C'était vraiment expérimenter plusieurs styles différents. C'était d'expérimenter la techno et la house. Après, l'énergie du punk, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement, comme l'énergie du free jazz, comme l'énergie de la techno. Esthétiquement, le punk, c'est pas du tout la recherche de ce projet-là. Il y a des projets dans Mésis qui se sont beaucoup inspirés du punk. Cette fois-ci en raccordant aussi avec l'histoire du jazz et du free jazz, comme un groupe qui s'appelle ITV qui a beaucoup joué, qui s'est inspiré énormément du punk, mais le projet de Cheap House, lui, ne s'est pas créé autour de l'envie de faire du punk. D'accord, ok. Donc du coup votre groupe, c'est Cheap House, donc je suppose house pour le style de musique. Oui, c'est ça, ouais. Et Cheap, pourquoi Cheap House tout simplement? Cheap House, c'est en fait le nom a été créé avant même de monter le projet. D'accord. C'était vraiment l'envie de. Je vais dire la même chose. C'était vraiment l'envie de jouer cette musique-là, la house, la techno, avec nos instruments, mais qui sont pas des instruments traditionnels de cette musique-là, puisque c'est une musique qui est électronique. Donc, par définition, c'est fait par des machines. Et nous, en venant et en voulant s'inspirer. Essayer parfois de copier même les sons en creusant. On a fait un gros travail aussi avec notre ingénieur du son Olaf qui nous a aussi orienté dans ce travail-là plus précis du son. Fatalement, c'était quelque chose d'un peu plus cheap par rapport à l'instrumentation traditionnelle de cette musique-là, mais c'est un cheap qui est assez noble. D'accord, ok. Donc d'où le nom Cheap House du coup. C'est ça. Nous l'avions dit un petit peu plus tôt, c'est votre tout premier EP, donc sorti le 9 avril dernier, donc oui, il y a quatre jours. Mais est-ce que avant de créer cet EP, vous aviez fait d'autres morceaux qui ne sont pas présents dans cet EP ? C'est un projet qui par essence est plutôt un projet de live qui s'est créé sur la scène. C'est un projet qui travaille beaucoup l'improvisation, donc c'est l'art du moment, c'est l'art du lien avec le public. C'est ce qu'on développe aussi énormément dans le collectif et dans le label Omésis, c'est-à-dire replacer l'improvisation au cœur du lien avec les gens, au cœur d'un moment unique qu'on partage avec le public. On met le public en tant qu'acteur dans nos soirées. Donc le projet Omésis, le projet Cheap House est un projet qui est né dans les salles de concert, dans les festivals et devant le public. Donc ça a été un vrai challenge de travailler sur de l'enregistrement. On a travaillé avec un ingénieur du son qui s'appelle Pierre Favresse, qui travaille aussi à un autre groupe de techno instrumental qui s'appelle Cabaret Contemporain, qui est une grosse influence pour nous aussi. Et ça a été un gros challenge de retranscrire ça, parce que improviser en studio, bah, fatalement on se retrouve face à des micros et bah, on n'en voit pas la même énergie. Et la discussion avec le potentiel public, ben, c'est pas la même. Donc avant de sortir cette EP, on a fait beaucoup de recherches en studio, dans des studios ou chez nous dans notre local de répétition. Mais et puis du coup, en fait, on a utilisé un peu cette période-là un peu bizarre du premier confinement pour aller au bout de cette démarche de recherche et de travail de studio. D'accord, oui, nous en parlerons un peu plus tard, de ce à quoi le confinement vous a servi pour Cheap House. Mais donc, justement, comme vous venez de le dire, vous considérez le public comme un acteur majeur de votre groupe ? Oui, complètement. Le public, puisqu'on improvise, puisqu'on est aussi, et c'est là où nous, on rattache énormément la scène du jazz avec la scène de l'électro ou des DJ, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de sentir... le public, à la fois les DJ, à la fois le jazz, c'est l'art du moment, c'est l'art de sentir le public pour savoir comment l'emmener là où on veut, comment parfois les frustrer, parfois lâcher prise totale. Voilà, donc le public est un acteur total, puisque en fonction du moment, ce sera en fonction du concert, de la journée, ce sera jamais la même chose. Un même morceau dans deux soirs différents, ce sera pas du tout la même expérience que va vivre le public et que nous, on va vivre, puisque c'est un dialogue avec les gens. Bien sûr, oui, donc ça représente quand même un sacré boulot en amont pour savoir à peu près quel public vous allez recevoir, et en même temps, quand vous êtes sur la scène, pour pouvoir, je sais pas, modifier peut-être quelque chose que vous avez prévu, afin d'encore plus ambiancer le public, ou comme vous le dites, de le frustrer. Ça représente un énorme boulot. Le boulot, il a été fait, je parle souvent de ça, mais le boulot, il a été fait dans le travail aussi, dans l'histoire qu'on a créée avec ce collectif-là qui s'appelle Omesis. C'est vraiment la philosophie de ce projet Omesis que de mettre le public, que de mettre l'improvisation en lien, que de connecter tout ça aussi à l'histoire du jazz et à l'histoire de... parce que le jazz, c'est une musique qui dialogue par essence avec les gens. Et donc le travail, il a été fait là-dedans. Après, une fois qu'on arrive sur scène, on oublie un peu tout ça et c'est l'art de l'instant et c'est viscéral. Peut-être c'est aussi ce qu'on peut relier avec le punk. D'accord, mais donc du coup, vu que le public c'est un acteur total dans votre groupe, en ce moment, vu que tout est fermé, vu qu'il n'y a plus aucune manifestation, ça doit être très compliqué pour vous et pour votre groupe Cheap House de pouvoir, on va dire, vivre, entre guillemets. C'est sûr que ne pas être face au public, c'est très frustrant pour nous. Après, il y a énormément de travail qu'on peut faire en dehors de la scène. Il y a un travail d'enregistrement. Là, on sort de deux semaines d'enregistrement de notre prochain disque. Il y a un travail de son qu'on a fait avec notre ingénieur du son. Il y a un travail d'entourage professionnel, de développement de projet. Voilà. Le temps finalement passe assez vite quand on arrive à se focaliser sur d'autres aspects, mais c'est sûr que la scène, ça nous manque énormément. Oui, comme j'imagine, comme tous les artistes, tous les musiciens, tous les chanteurs, parce que sans le public, bah, du coup, c'est un peu compliqué de se faire voir. C'est compliqué, mais il y a des portes qui existent. Je crois qu'on n'a pas trop à se plaindre non plus à ce niveau-là, mais c'est sûr que psychologiquement, moralement, c'est toujours difficile, parce que c'est une musique qui se doit d'être vécue en live. Donc voilà. Après on n'a pas le choix, et puis on vit cette période comme tout le monde, quoi. Bien sûr. Donc justement, pour être proche du public, même sans être sur scène, est-ce que ça vous arrive d'interagir avec certains de vos fans sur les réseaux sociaux, par exemple ? Bah, on sort des vidéos, on est assez actif sur nos réseaux, oui. Le lien avec le public, il dépasse celui de la scène, évidemment. C'est un lien qu'on essaie d'entretenir un peu tous les jours. Bien sûr, oui. Donc, vous l'avez dit, là, il y a quelques minutes, vous sortez de quelques semaines d'enregistrement de votre prochain disque. C'est ça. Donc, est-ce que ça sera, pareil, un EP de 4-5 titres, ou est-ce que ça sera un album complet cette fois ? Alors, je peux pas encore exactement dire ce que ce sera. On sort de 2 semaines d'enregistrement avec Arnaud Bottini, qui est un producteur qui était une grosse référence pour nous aussi. On a travaillé avec lui sur plein d'aspects, notamment se reconnecter aussi avec les racines de cette musique-là, de Détroit, les sons. Il nous a amené énormément de synthé pour travailler sur des instruments d'époque, puisque c'est une musique à Détroit qui est très liée au timbre. Et du coup, on sort de 2 semaines d'improvisation en studio, d'expérimentation, de laboratoire, de recherche. Voilà. Là, on en est un peu dans cet inconnu de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Mais quelque chose de très bien, c'est sûr. Bien sûr, oui. Donc, ouais, c'est encore, pour l'instant, c'est pas tout à fait clair. Bah, c'est des choses qui s'affinent. Avec le temps, les rencontres aussi, comment les envies, il faut un peu laisser reposer puisque on est allé en studio sans savoir ce qu'on allait faire. C'est la beauté aussi de cette bulle qui a été ce laboratoire qui a été le studio. Là, il faut un peu laisser reposer pour savoir quelles sont nos envies, qu'est-ce qui marche moins bien, etc., etc. D'accord, ok, je vois. Donc, nous allons parler là maintenant de les exploits de votre groupe, car en faisant mes recherches, j'en ai vu quelques-uns. Donc, dans la vie de votre groupe, vous avez eu la chance d'être sélectionné aux Inouïs du printemps de Bourges 2020. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, les Inouïs du printemps de Bourges, c'est un grand dispositif national, donc dans toute la France, de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques. Donc, quand vous avez appris que Chipao s'était sélectionné, j'imagine que ça a été comme une consécration pour vous. C'est plus le début de quelque chose. Une consécration puisque c'est tout reste à prouver encore quand on arrive là-bas, mais en tout cas c'est une première marche qui est intéressante puisque ça nous connecte non seulement à un milieu professionnel mais aussi à la scène directement. Et ce que nous on a trouvé très intéressant en faisant les Inouïs, ça a été de rencontrer la variété de groupes de cette nouvelle génération qui est incroyable et qui ce qui est hyper intéressant avec ce tremplin là, ce concours, c'est que c'est très très éclectique, que ça soit de la chanson, guitare-voix, que ça soit du rap, que ça soit du rock ou de l'électro. Au final, on est tous sur la même scène et ça représente vraiment une génération qui sait faire la musique et qui sait porter la scène, quoi. C'est ça qui nous a vraiment intéressés dans cette expérience-là. Je dirais pas que c'est une consécration, pour l'instant c'est la première marche, quoi. D'accord. Donc justement, pour vous produire aux Inouïs de printemps de Bourges 2020, est-ce que c'est vous qui êtes entré en contact ou est-ce que ce sont les organisateurs de ce festival qui sont venus vous chercher? Ça a été quelque chose d'assez logique en fait quand on est dans cette démarche de groupe émergent. C'est un peu un passage obligé ou en tout cas un passage que beaucoup de groupes espèrent avoir. Je crois qu'on a démarché nous-mêmes, on était soutenus par des salles aussi, on est très soutenus dans notre région. Je pense à Django Reinhardt qui est une salle qui nous soutient énormément. Je pense à l'opération Iceberg aussi, je sais pas si on va en parler, mais qui est une opération de soutien et développement des artistes émergents. Ça a été une évidence en fait de postuler à ça. Comment, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais ça s'est fait en tout cas. Ok, et vous avez même eu l'occasion de faire votre première tournée européenne avec un passage plutôt remarqué au MENT ou au MAN Festival en Slovénie. Oui, c'est ça, au MAN Festival. Voilà, et donc, c'était la première tournée en fait qui. C'était juste avant le premier confinement, donc c'était notre première tournée, notre dernière pour l'instant. Oui, mais ça viendra, il y en aura plein d'autres après. Ah, bah, j'espère, oui. Bah, oui. Et donc, du coup, la même question, comment s'est passée cette prise de contact avec le MENT Festival de Slovénie? On avait signé avec une bookeuse qui s'appelle Audrey, dans une boîte qui s'appelle Junior 360, et c'était via son travail d'aller chercher des festivals comme ça, et c'est un festival qui est assez important aussi dans un peu à la manière des Inouïs, même si c'est pas un concours. C'est un festival qui va chercher dans l'émergence en Europe. On s'est retrouvé avec plein de groupes d'un peu partout, des super groupes. C'est un super festival qui prend un peu place dans toute la ville, dans plein de lieux. On a joué dans le château de Ljubljana. C'est vraiment une super expérience. J'imagine, oui. Donc, avant de poursuivre, il est 14h39. Je vous propose de nous lancer dans un troisième extrait de votre EP Chipa House, oui, tout à fait. Et donc, dans ce troisième morceau, et que nous écoutions donc Tunnel, qui est donc le dernier morceau de l'EP, il me semble. C'est le premier. Ah, c'est le premier. Donc, j'ai dû mélanger. Enfin, voilà. Donc, c'est le premier morceau de l'EP. Donc, on s'écoute Tunnel et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo après Chipa House et leur titre Tunnel. Avec leur morceau Tunnel sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Il est 14h44 et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Mathieu du groupe Cheap House. Tout est toujours bon pour vous ? C'est très bien. Parfait. Donc justement, là, avant la pause musicale, quand on parlait des exploits entre guillemets de Cheap House, vous nous avez parlé d'un autre festival, par contre j'ai pas retenu le nom, Esberg, c'est ça ? Alors c'est pas un festival, c'est un dispositif d'accompagnement. Ah, d'accord, ok. Franco-suisse. Ok. Et dans ce cadre-là, c'est un dispositif qui marche avec les Européennes de Belfort. Et on est soutenu par une salle à Strasbourg qui est une super salle qui soutient énormément la scène locale qui s'appelle Django Reinhardt et qui est une salle très importante dans le développement et dans les débuts du projet de Chekhov. D'accord, ok. Et pour reparler également des organismes qui vous ont accompagné, on peut parler peut-être de l'organisme Le Bureau de l'Élite, justement, qui nous a mis en relation. Donc, on fait un travail avec eux d'attaché de presse, donc de relations médias. Mm-hmm. Et on travaille avec eux depuis un petit peu moins d'un an sur la promo de cette EP-là. Et on est vraiment contents. Ils font du bon boulot. Oui, même j'ai eu l'occasion de discuter justement avec l'attaché de presse, donc Géraldine Claudel. Vraiment très très très gentil, très à l'écoute. Oui, c'est une super personne avec qui on peut bien parler, qui comprend bien les enjeux du projet, les enjeux d'un groupe émergent, puisqu'il travaille sur des groupes émergents, et c'est une phase très importante dans le développement d'un projet, donc c'est super de pouvoir travailler avec eux. Donc justement, j'en profite pour prévenir nos auditrices et nos auditeurs. Nous avons ici à Radio Gemozo établi un partenariat justement avec le Bureau de Lilith. Donc je recevrai régulièrement dans Fréquence Libre plusieurs artistes envoyés par le Bureau de Lilith. Donc voilà, vous, Cheap House, c'est les premiers artistes, mais il y en aura beaucoup d'autres à venir. Donc voilà, c'était pour le petit instant promo. D'ailleurs, tout à l'heure, nous parlions de la crise sanitaire actuelle que nous connaissons toutes et tous, donc en particulier les confinements qui ont été pour beaucoup très difficiles à vivre, mais pas pour Cheap House, enfin du moins pas du point de vue artistique, car je crois savoir, et comme vous l'avez dit, que vous avez profité du confinement pour enregistrer votre EP. Ouais, le confinement, ça a été pour nous un moment où on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire quelque chose de tout ça, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé le confinement pour faire quelque chose en fait de ce temps-là. Et nous, on a travaillé la partie production et on a beaucoup travaillé aussi la partie développement professionnel, entourage professionnel du groupe. Donc ça dépasse le travail simplement artistique. Bien sûr, oui. Donc c'est oui. Le confinement vous a été très bénéfique du coup pour Cheap House. Ça a été. C'est un peu compliqué de dire ça puisque bon, voilà, le contexte. Historique en fait est assez triste, mais pour Cheap House ça a été une période à la fois artistique et professionnelle très florissante. Mmh. Bien sûr. Donc justement au niveau des dates, quand avez-vous commencé à enregistrer votre EP, si vous vous souvenez de la date précise ou du mois peut-être? Il me semble qu'on a commencé à enregistrer en août. La date précise, je ne sais pas, mais c'est en août. Ok, et combien de temps a duré l'enregistrement? Alors il me semble que c'était 10 jours d'enregistrement dans notre studio. 10 jours, je crois que c'est ça. Et comme vous l'avez dit, vous avez eu l'occasion d'enregistrer cette EP aux côtés de Pierre Favrez du Cabaret Contemporain. Oui, c'est ça, c'est notre ingénieur du son qui travaille avec nous la partie production, enregistrement studio. Bien sûr, oui, il faut s'entourer de beaucoup de personnes pour mener à bien un projet musical ou artistique, quel qu'il soit. Il faut avoir des bons contacts, du coup. Ah bah oui, c'est très important pour un groupe comme nous, ou pour tous les groupes, de ne pas être seul dans ce travail. C'est un travail qui est très long, bien sûr. C'est un chemin qui est très long, et avoir des avis professionnels, objectifs, ou même parfois d'avoir des avis subjectifs artistiques, c'est très important. Bien sûr, j'imagine, oui. Donc justement, on va s'intéresser un petit peu à vous, Mathieu, vu que cette émission se fait du coup avec vous. Est-ce que vous avez toujours été intéressé par la musique, ou est-ce que c'est une passion qui n'est venue que plus tard au fur et à mesure du temps? Alors moi j'ai toujours été intéressé par la musique, puisque j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon papa est musicien, mon beau-frère est musicien, j'ai toujours eu un instrument devant moi. Après, je suis partagé entre la musique et l'art pictural, puisque je fais aussi de la peinture et du graphisme. Et j'essaye de lier ces deux, ces deux passions-là dans des projets comme Omisix ou comme Chipas, puisque je fais tous les visuels, tous les graphiques, les pochettes, les affiches, voilà. D'accord, d'accord. Et donc, sans trop entrer dans les détails, car c'est peut-être un peu trop privé, avez-vous la chance pour l'instant de vivre de votre musique et de tout ce que vous faites, ou est-ce que vous, pour le moment, en plus de, et en plus avec la crise sanitaire, c'est compliqué, vous devez faire un autre métier à côté? Alors, justement, c'est ce que je disais avant, le Chipa, c'est à la fois, c'est très particulier, parce que c'est une année qui est extrêmement étrange, historiquement très triste, mais nous, on a réussi à en faire quelque chose. Et c'est depuis très peu qu'on arrive à en vivre. Et c'est grâce à Chipos aussi. Donc le développement du groupe ne s'est pas du tout freiné à cause du Covid. C'est même au contraire. Ça a été un moment où on a pu signer notamment avec une boîte de booking et un booker qui s'appelle Vincent qui travaille pour Wart. Mm-hmm. On a trouvé des éditeurs. On a vraiment enrichi notre entourage professionnel. C'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui on peut vivre de notre musique. Donc c'est voilà. 2020, paradoxalement, ça a été une année qui a été très bénéfique pour nous. Ouais, donc c'est une passion devenue un métier, du coup. Complètement, oui. Très bien. Donc il est 14h50, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique et ou créer un groupe, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? Alors, je sais pas si je suis légitime pour donner des conseils, mais je pense que la chose la plus importante, quand on veut se lancer dans la musique ou faire des projets, c'est de savoir avec qui on a envie de jouer, peut-être même avant de savoir qu'est-ce qu'on a envie de jouer, quel instrument ou quelle musique. Je pense que c'est aussi ce qui fait que Chipos aujourd'hui c'est un groupe qui arrive à faire des choses, c'est qu'on est quatre amis très soudés et ça dépasse la simple démarche artistique. Donc avant même de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, je pense que mon vrai conseil ce serait de dire avec qui vous voulez vous lancer dans cette expérience. Parce que c'est quelque chose où on va passer beaucoup de temps ensemble et faire de l'art avec des gens, c'est quelque chose de très intime. Donc savoir avec qui avant de savoir quoi, je pense que c'est important. Bien sûr, oui. Et être curieux. Être curieux, c'est ça que vous avez... Oui, être curieux, puisque quand on s'est lancé dans Chip House, aucun de nous quatre avait la prétention de dire qu'il connaissait la musique techno. Et en fait, on s'est dit que c'est quelque chose qui pouvait être intéressant. Et en fait, c'est en allant dans cette musique, en la jouant, qu'on est tombé amoureux de cette musique-là. C'est aussi toute la démarche qu'on essaie de mettre en avant avec Omisix. C'est-à-dire ne pas se cantonner à ce qu'on fait, mais aller explorer des choses qui nous... par simple amour de la curiosité. D'accord, ok. Donc il est 14h51. Avant de nous quitter, je vais partager une petite info locale, car c'est important de soutenir ce qui se passe localement. Et vu qu'on a parlé un petit peu de la crise sanitaire, etc., il y a le Vosgien céramique en lice pour faire valider son masque pour sportifs, donc c'est une bonne nouvelle. Alors que la ministre des Sports Roxana Maracineanu espère la validation d'un masque sportif d'ici un mois, l'équipementier Vosgien céramique est sur les rangs. Donc ce masque serait à l'heure des tests afin qu'il puisse être validé justement pour nos amis sportifs, pour qu'ils puissent pratiquer leur sport tout en se protégeant, en gardant le plus de protection possible. Voilà, c'était une petite info locale. Espérons que ça aboutira. Donc du coup, il est 14h52. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? Je crois qu'on a un peu tout dit. Soyons curieux. D'accord, c'est très bien, c'est passé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Mathieu, du groupe Chip House, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne, pendant le générique. Donc, du coup, cette émission sera rediffusée demain, mercredi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec... les McCann et leur titre Go On and Cry, et avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier à 18h, dans laquelle je recevais Norbert Feuillant, un des deux commentateurs français de catch d'une des deux plus grandes fédérations de catch américain au monde, la All Elite Wrestling ou AEW. Donc quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Olivier Géin, qui sera là pour nous parler, entre autres, de l'entreprise de logiciels, le CESTAR, mais aussi de la première application mobile dédiée au bien-être nomade, consistant en une intuitivité et en un gain de temps pour toutes et tous. Donc bien sûr, merci de votre fidélité à Radio Guimauzo, c'est très important pour nous. Et je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Je n'ai plus mon générique, je vais le rechercher tout de suite. Et du coup, nous allons pouvoir nous quitter ici. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc merci à tous une nouvelle fois et à demain.